vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité qui est l'esprit de Dieu. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur bénisse ces deux portions de la parole pour l'éducation de notre âme. Le titre de ce message ce matin, c'est un privilège exceptionnel. Et ce privilège exceptionnel sera autour de cette partie du verset 4 de 1 Jean 4. 1 Jean 4, la deuxième partie de ce verset 4. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel privilège exceptionnel nous avons en Jésus-Christ. Nous avons entendu les témoignages à l'immense aujourd'hui. Hein? Quel privilège lorsque nous appartenons au Seigneur. Vous savez, les deux portions de lecture que nous avons de lire sont deux portions qui sont autour d'un thème bien particulier. C'est l'opposition du royaume du prince de ce monde, le royaume du mal, l'opposition de ce royaume au royaume de Dieu. Et je vous ai lu cette portion qui relate une partie de la vie d'Israël. Vous connaissez bien l'histoire, mais nous allons surtout voir dans cette portion tirée seulement cette partie qui nous rappelle effectivement que le prince de ce monde est bien réel. Et il a aussi sa puissance et son rayon d'action. Mais cette portion nous rappelle aussi que la puissance de notre Dieu est supérieure. Amen. Et elle domine. Amen. De même aussi, Jean nous rappelle que dans cette vie que nous vivons, nous allons côtoyer des faux de père. Nous allons côtoyer des messagers du malin qui vont essayer à tout prix de nous détourner de notre voie, de notre vocation. Mais il nous rappelle que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Moïse et Aaron ont dû faire face aux magiciens. Moïse et Aaron ont dû faire face aux magiciens de Pharaon. Ces magiciens de Pharaon qui ont démontré une force, une puissance, qui ont voulu intimider ces serviteurs de Dieu. Nous aussi, on peut le faire. Il n'y a rien là. Les forces du mal, elles sont réelles. Et très souvent visibles. Mais, nous avons vu la manifestation de la puissance supérieure de l'Éternel. Vous savez, j'ai vu la semaine dernière, un récit qui, effectivement, rappelle cette portion de l'histoire de Moïse et Aaron face au magicien de Pharaon. C'est relaté par Calvin et tiré de notre pain quotidien. C'est l'édition annuelle volume 9. Je vais vous lire. Ça m'a fait frémir un peu. Calvin écrit au cours des années 1930, un missionnaire œuvrant dans un village africain primitif, a été témoin du conflit qui oppose la puissance du royaume du mal et l'omnipotence de Dieu. Selon ce docteur Calvin, un sorcier avait averti le missionnaire que le dieu tribal allait détruire son école. Et ce fut fait. Un éclair a accompli sa menace. Convaincu que l'esprit du vaudou n'aurait pas le dernier mot, le missionnaire a proclamé publiquement que le dieu de la Bible allait frapper le totem du sorcier avec un éclair à cette nuit-là. Et au grand étonnement des villageois, c'est exactement ce qui s'est produit. Et depuis lors, ils ont considéré cela comme une preuve de la puissance supérieure de Dieu, du missionnaire. Quel beau témoignage. Et vous savez que oui, le monde entier est sous la puissance du mal. C'est Jean lui-même, dans son épître, dans sa première épître, Jean 5, verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6 aussi, verset 12, nous a mentionné que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, nous sommes très souvent en proie à des influences et des intimidations des forces du mal, partout où nous portons les pas. Et je pense particulièrement aux jeunes qui fréquentent les collèges et les universités, là où le savoir est diffusé. Combien il faut faire preuve de jugement et de sagesse pour effectivement savoir distinguer ceux qui viennent de Dieu et ceux qui viennent du mal. Combien il faut aussi faire preuve de sagesse et de jugement pour ne pas suivre les trains de ce monde. Notre sœur Paul Ami vient de mettre point, effectivement, hein, des modes que nous suivons pour être à la mode, alors que faire preuve de vraiment de sagesse et de jugement. Et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer et de ne jamais oublier que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est mort. Vous savez, c'est vraiment un privilège à la lecture de ces deux portions de la parole. C'est vraiment un privilège exceptionnel d'appartenir à la famille de Dieu. Oui. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et 1 Jean 4, verset 16, nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et dès qu'il demeure en nous, l'Esprit qui est en nous est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous qui sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 6, selon le nom de Dieu. voyez par exemple ce que nous venons de lire aussi dans Exode au sujet de Pharaon, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait décidé. Mes frères et sœurs, jeunes, moins jeunes, dans quel camp êtes-vous? Dans le camp de Pharaon, dans le camp des Écritures, qui n'écoutent pas, qui endurcissent leur cœur, qui hésitent pour prendre position pour le Seigneur? Les forces du mal sont réelles. Et seulement sous le parapluie de Jésus-Christ que vous pouvez avoir cette toute puissance à votre disposition. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce privilège d'appartenir à la famille de Dieu nous donne désormais cette assurance de la victoire. Jean a dit, nous les avons vaincus. Et plus loin, dans 1 Jean 5, verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre droit. 1 Jean 5, verset 4. Et le beau verset que nous répétons assez souvent, dans Romains 8, 32, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Et même, ça c'est beaucoup dans ce chapitre, l'apôtre Paul, verset 37, toujours Romains 8, 37, qui nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Désormais, dans notre vie de chaque jour, dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, dans cette lutte que nous sommes appelés à mener tant que nous sommes dans ce corps ici-bas, désormais, lorsque nous avons embrassé la croix du Christ, nous n'avons rien à craindre si nous marchons avec lui. La parole nous rassure que le diable et toutes ses forces ne seront jamais de taille contre Dieu. C'est pourquoi nous devons nous réjouir de ce privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir bénéficier de sa toute puissance. Et vous savez, nous sommes assurés de cette victoire. C'est parce que lui aussi, il nous donne l'assurance de sa présence et de sa toute puissance. Lorsque nous nous confions entièrement à lui, Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et dans Matthieu 28, 20, dernier chapitre, dernier verset du dernier chapitre de Matthieu, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel est un beau privilège exceptionnel d'être de la famille de Dieu. Lorsque nous aurons à traverser, ou lorsque nous traversons des temps orageux, avec des gens violents, talentés, souffrités, assaillis de toutes parts, soit par la maladie, soit par les vicissitudes de ce monde, soit par les traits enflammés du malin, au lieu de nous décourager rappelons-nous toujours que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en moi. Vous savez, cette présence de Dieu nous assure qu'il marche pas à pas avec nous. Que par son Saint-Esprit, nous sommes assurés de la victoire. Nous n'avons pas à nous décourager, ni à avoir honte de ce que nous sommes pour le Seigneur. Amen. Vous savez, dans la vie de Martin Luther, il a révélé ce qui suit, une illustration d'une partie de la vie de Martin Luther. Martin Luther qui a fait un rêve dans lequel il se tenait devant Dieu. Et Satan était là pour l'accuser. Et quand les livres furent ouverts, l'accusateur pointa un péché après l'autre dans sa vie. Et Luther, dans son rêve, dit qu'il était désespéré. Puis tout d'un coup, il se rappela la croix. Et se tournant vers le diable, il cita 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de ce péché. Amen. C'est à vous la détirer toujours de notre vrai quotidien. Cette illustration de la vie de ma vie. Lorsque nous avons accepté le sacrifice de Jésus, nous sommes assurés que son sang est assez efficace pour nous purifier de toute iniquité. Parce que chacun de nous, ici présent, nous pouvons dire, comme Martin Luther, le sang de Jésus est venu de Dieu. Il faut accepter, il faut prendre position de Christ. Il faut être sous la barrière. Nous récitons assez souvent le psaume, c'est le psaume 91, 71, 91, celui qui demeure sur la vie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, bien aimé, je vous laisse avec cette recommandation de l'apôtre. Faites cette recommandation de Jean. N'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu et que vous avez le privilège d'être sous sa bannière. Le privilège de vous assurer toujours de sa présence et de sa toute puissance. Et que, ni l'amour, ni rien ne peut nous séparer de son amour.